Je souhaite que ce cornichon d'Arthas tombe dans un gros tas de caca de Magnator. Deux secondes, en cours de lancement. Connected to Skype, ready to record. Eh ben, start. C'est bon, tu peux y aller. Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de Wotaku. Donc, aujourd'hui, je serai accompagné de mes deux compères, Brock et Ludo. Alors, comment ça va les deux? Je t'entends rigoler derrière le micro, Ludo, arrête. Ah, ça va, putain, bon, ok. C'est pas moi, hein, c'est JP. Hein. Non, c'est ce que je dis, c'est Ludo, c'est ce que j'ai dit. Oui, j'ai dit Ludo, ouais. Non, t'as dit Brock, toi. Non, mais pas JP, mais c'est pas grave. On va pas s'engueuler, allons-y. Arik sera absent de ce deuxième épisode, mais... Il reviendra prochainement, voilà. Bon, alors, avant d'attaquer le sommaire, moi j'aimerais bien qu'on voit si nos animateurs sont vraiment attentifs, s'ils ont vraiment écouté le premier épisode de Wotaku, et puis donc qu'on fasse un petit quiz. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Les mains sur le buzzer. Et ben on y va, donc le petit quiz Wotaku pour nos animateurs. De quelle chanson française Arik parle-t-il dans sa chronique de Guitar Hero? Antisocial de Trust, voilà. Absolument, JP, bravo. Antisocial, perds ton sang-froid. J'ai une autre question. Dans la partie Naxxramas de Ludo, quel boss fait se dresser les poils à Ludo? Moi, je sais. Attends, c'est... Merde, comment il s'appelle? L'abomination, le... Ah, merde, je me souviens plus de son nom, merde! Le recousu. Tu es extrêmement grossier, ouais, JP. Tu es extrêmement grossier, JP, et ça ne te sert à rien, puisque ce n'est pas la bonne réponse de toute manière. Oh, c'est pas le recousu, merde. Non. Ludo, nous t'écoutons, c'était quoi? C'est Mike Zena, la grosse araignée. À moi, c'est une question par rapport à la chronique sur Gul'dan. Comment s'appelait son apprenti? Attends, l'apprenti de Gul'dan, t'as dit? Mm-hmm. L'apprenti de Gul'dan. C'est pas plutôt le maître de Gul'dan? Non, l'apprenti. Nerzhul? Non, c'est son maître. Ah non, Nerzhul. C'est son maître. Voilà. Attends, l'apprenti de Gul'dan? Google est ton ami. Non, Saligo, c'est pas du jeu. Non, mais en plus, c'est intéressant parce que depuis sur Judge Hype, j'ai appris que ce personnage-là va réapparaître. Il était censé être mort et apparemment il ne l'est pas et donc il réapparaîtra prochainement. Ça vous dit rien? J'ai la réponse. Vas-y, JP, espèce de tricheur. Non, c'est même pas vrai d'abord. Khadgar. C'est bien, ça n'a rien à voir, Khadgar, mais c'est bien. Non, c'est pas... même pas non ça. Non seulement tu triches, mais en plus t'as même pas fait. Oh merde tranquille. Mais Khadgar, il est de l'Alliance, il est pas de la Horde. Oh putain. Khadgar, c'est l'apprenti Medivh. J'ai trouvé le nom, attends. T'es le plus mauvais tricheur que je connais, JP. Je te donne un conseil, ne triche jamais en enfant. Parce que tu te feras attraper tout de suite. Attends, je triche pas, moi, je vais pas tricher. Ah, c'est une Garona. Femme, Orc, Garona? Non. Ouais. Ah non, il a pas formé. Non, mais je vois pas qu'il a formé en fait. Bon bah, je vais vous dire, c'est Log. Attends, on va le trouver. Non, c'est trop tard, votre temps est écoulé, les garçons. C'était Cho'Gall, Log à deux têtes. Voilà. J'ai une question pour Ludo, parce que ça fait partie de la chronique de Brock. Quel est l'interprète de la chanson dont parle Brock dans sa chronique? Le petit point de bois? Non, l'interprète, je te demande. Oui, mais c'est l'interprète du petit pont de bois? Ben, oui, non. Oui. Parce que c'est là, justement, en parlant de cette chanson, Brock, je te dis pas merci, parce que ça fait une semaine que je suis obligé de me l'écouter tous les jours, cette putain de musique. Ouais, parce qu'elle met dans la tête dès le matin, j'en peux plus. Les garçons, ouais. on va essayer d'être un peu moins grossier, parce que je vous rappelle qu'il y a des filles aussi qui nous écoutent, qui ne connaissent pas tous ces gros mots-là. J'ai oublié. C'est... J'ai oublié le nom. Je tape à chaque fois sur Deezer, je prends que le nom de la musique. C'est 4 gars. Je rappelle plus. 4 gars. Non, c'est pas 4 gars. Je me rappelle plus. Bah attends. C'est facile. Ah ouais. Bah si tu le dis. Ça ressemble un petit peu à Ouvre bouteille. Ah, Ouvre bouteille. Bon, je crois que là on va arrêter de tourner autour du pot. Il s'agissait de Yves Duteil. Ah oui, Duteil bouteille. Ouais, effectivement, j'étais pas loin, ouais. Et enfin, j'avais une dernière question par rapport à l'interview de Grégory Maclas. De quelle discipline ses parents étaient-ils vice-champion et champion de France? Son père d'échecs et sa mère, je crois que c'est d'échecs aussi. Ouais, c'est ça. Bravo, Guido. Ouais. Bon, mais écoutez, maintenant, on va pouvoir se lancer donc dans la suite du podcast. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite au sommaire. L'émission de ce mois-ci a pour thème le voleur. Et donc Ludo va nous faire un petit topo sur la manière de jouer un voleur. Ensuite, JP et moi, on va vous parler de Van Cleef et des Mortemines pour la partie roleplay. Pour le raid du mois, c'est à nouveau Ludo qui va nous parler de Maligos. Et ensuite, on aura la partie Pierre de Foyer. Et enfin, on s'intéressera à d'autres jeux que World of Warcraft. Ce sera les petites chroniques des coups de cœur du mois. C'est parti pour la classe du mois. Alors pour ce mois-ci, comme Proc vous l'a dit, je vais vous parler du voleur. Alors le voleur, c'est une classe qui va faire des dégâts au corps à corps. Donc dans les 10 premiers niveaux, il se balade avec sa petite dague ou son épée. Et à partir du niveau 10, il prend l'ambidextrie. Donc l'ambidextrie, c'est la possibilité de porter une arme dans chaque main. L'autre particularité du voleur, c'est qu'il peut entrer en furtivité. Alors la furtivité, il faut bien ne pas le confondre avec l'invisibilité. L'invisibilité dans World of Warcraft, c'est plutôt tout ce qui est lié à la magie. Donc c'est par exemple le masque qui devient invisible pendant X secondes. Et la furtivité, c'est le fait de se camoufler dans les ombres. Et si on passe trop près du voleur, on peut le détecter. Alors que si on est invisible, on ne va pas détecter par exemple le mage. Et l'autre particularité par rapport à l'invisibilité de la furtivité, c'est que on peut rester autant de temps qu'on veut en furtivité, on peut rester pendant 2 heures dedans, il n'y a pas de limite. Si ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux autres classes, il n'a pas de mana. Sa barre de mana va être remplacée par une barre d'énergie qui, elle, sera toujours par défaut à 100%. Enfin, 100%, 100 points d'énergie plutôt. Parce que c'est pas des pourcents, c'est des points d'énergie. Donc quand votre voleur ne fait rien, n'attaque pas ou quoi, vous avez 100 d'énergie. Chaque fois que vous allez utiliser une compétence, donc que ce soit un coup direct ou n'importe quelle compétence, ça va utiliser un certain nombre de points d'énergie. Et donc là, la barre d'énergie va petit à petit descendre. Donc par exemple, quand vous faites un coup, par exemple l'attaque pernicieuse, qui est une attaque de base, ça va par exemple utiliser 35 points d'énergie, donc sur 100 vous perdez 35 points d'énergie, et si vous rajoutez encore une deuxième attaque, vous perdez encore un certain nombre de points d'énergie. Et tout ça, en fait, ça se régénère au fur et à mesure, parce que sinon il va lancer toutes ses meilleures attaques d'un seul coup, et dans ce cas-là, ça va faire un trop gros nombre de dégâts, et ce sera pas forcément, comment dire, sera ce qu'on appelle un trop gros burst, donc une trop grosse quantité de dégâts d'un coup, et ça laissera pas beaucoup de chance aux monstres, aux autres joueurs de se défendre. Donc ça va faire partie de la base du voleur, c'est ce qui va déterminer beaucoup de choses dans sa façon de jouer. Le voleur aussi peut porter, comparé aux autres classes, des poisons, donc c'est des poisons qu'il va appliquer sur ses armes. Et là, les poisons ont différents effets, ça peut être ralentir la vitesse d'incantation, la vitesse de déplacement, ça peut poser ce qu'on appelle un dot, donc c'est des dégâts sur le temps, faire du dégât direct en poison, réduire les soins, etc. Donc ça a plusieurs effets, et en fonction de la situation, on va plutôt favoriser tel ou tel poison. Alors, le voleur, étant donné que c'est une classe au corps à corps, si on doit le comparer par exemple au guerrier, où là c'est massif, on va dire avec une grosse armure, lui le voleur, il ne peut porter que des armures en cuir. Relax, do it, relax. c'est justement que le cuir, ça absorbe beaucoup moins les dégâts que de la plaque ou de la maille. Si on se fait attaquer par deux ou trois joueurs d'un coup, le voleur il va pas durer longtemps, il va vite mourir parce que son armure permet pas d'absorber une grosse quantité de dégâts. Donc c'est dans ce sens-là que le voleur, ça se joue finement. Il doit tout le temps avoir conscience en fait que c'est une classe qui n'est pas très résistante. Et donc, en conséquence, il doit justement tuer son adversaire le plus rapidement possible. Il a une petite palette de compétences. Quand il est furtif et s'il prend la cible de derrière, il peut déclencher ce qu'on appelle le coup bas. Et le coup bas, ça permet d'immobiliser totalement sa cible pendant 3 secondes. Donc ça, c'est énorme quand même, 3 secondes, surtout en joueur contre joueur. Quand on sait que chaque seconde est décisive, c'est énorme. Donc pendant 3 secondes, il va faire ce qu'il veut, en fait, le voleur, et il pourra être sûr que sa cible ne bougera pas. Le garrot, c'est du dégât dans le temps aussi. Il peut faire un gros coup direct qui s'appelle l'embuscade. Et si en plus ça critique, on peut limite enlever pratiquement pas loin de la moitié de la vie de son adversaire. La furtivité, c'est bien pour se déplacer, surtout je pense en champ de bataille. Vu qu'il a justement une armure en cuir, s'il se fait repérer de trop loin ou s'il y a un mage qui le prend pour cible, mage ou n'importe quelle classe qui attaque à distance, il va pas tenir longtemps. Donc être furtif, c'est très intéressant, surtout dans des zones de joueur contre joueur. Alors le voleur, il a également d'autres petites capacités particulières comme le crochetage. Donc vous allez voir pendant votre aventure, vous allez récupérer des coffres à droite à gauche qui sont verrouillés. Et là vous demandez à un voleur de vous l'ouvrir et s'il a travaillé sa compétence de crochetage, il va pouvoir vous les ouvrir. La compétence de crochetage peut servir aussi pour ouvrir des portes, je pense notamment au monastère. Ouais, tout à fait. À certaines instances où il faut une clé pour entrer, si vous avez un voleur qui a sa compétence de crochetage qui est montée au bon niveau, il pourra l'ouvrir directement sans faire les quêtes pour avoir la clé. Alors une autre particularité du voleur, justement, quand il est en combat, c'est que lui, il fait des enchaînements. En fonction de la compétence qu'il va utiliser, il va avoir un ou plusieurs points de combo. Donc ces points de combo, il peut en avoir 5. Donc par exemple, quand il utilise sa attaque pernicieuse, une attaque de base en fait, chaque fois qu'il va l'utiliser, il va accumuler un point de combo, un point d'enchaînement. Et quand on a un ou plusieurs points d'enchaînement, ça débloque de nouvelles capacités qui permettent justement de faire une finition, c'est-à-dire un coup de grâce. Et en fonction de la finition, enfin du coup de grâce qu'on va utiliser et du nombre de points de combo qu'on a, l'effet va être plus ou moins important. Donc par exemple, en coup final, on a un coup qui immobilise encore une fois la cible. Donc si on a un point de combo, c'est une seconde, deux points de combo, deux secondes, jusqu'à 5. Donc là, c'est là qu'on comprend l'importance d'avoir beaucoup de points de combo avant de lancer un coup final. Donc ça permet justement de donner une certaine dynamique au combat du voleur. Avec les points de combo, avec les coups de grâce, ça donne un certain rythme en fait, et ça évite de rester avachi sur sa chaise et d'appuyer tout le temps sur la même touche. Donc ça, c'est un côté qui est assez sympa du voleur parce que c'est dynamique. Le voleur, son autre problème, c'est qu'il ne peut pas soigner. Il n'a aucun sort de soin. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être favoriser le secourisme comme métier secondaire pour que justement à la fin des combats, il puisse s'appliquer un petit bandage et qu'il puisse récupérer de la vie. Sinon, c'est vrai que si on enchaîne trop les combats et qu'on n'a pas de soins, ça risque de devenir très vite problématique. Si on prend le voleur dans une optique d'instance, c'est-à-dire dans une optique de groupe, le voleur, c'est une classe qui va faire beaucoup de dégâts au corps à corps. Donc il va récupérer très vite l'agressivité du monstre. Donc si on bourrine comme un fou et que le guerrier n'a pas assez de temps pour provoquer sa cible, la cible va se retourner simplement contre le voleur et en deux temps trois mouvements, elle va le tuer. Donc le voleur, même si ça peut paraître très bourrin, ça se joue quand même encore une fois finement, dans le sens où il faut savoir gérer ses dégâts et pas aller comme un gouré quoi. Bon, au niveau des quêtes du voleur, les quêtes de classe, rien de particulier à dire, ce sont des quêtes classiques, ça vous permet justement d'utiliser un peu toutes les compétences que le voleur a à sa disposition pour avancer en Azeroth, et notamment voile à la tire. C'est une compétence qui permet justement, quand vous êtes en furtif, de vous approcher de votre cible, et quand vous activez donc la compétence voile à la tire, vous fouillez ses poches. Et ça permet de récupérer un peu d'argent, parfois 2-3 objets, et aussi parfois, vous pouvez récupérer sur les humanoïdes notamment, des coffres verrouillés. Ne cherchez pas à faire des voiles à la tire sur les joueurs en PVP, vous n'allez pas voler leur or. Donc ça sert à rien de vous exciter là-dessus. Alors, au niveau des métiers, moi, ce que je conseillerais pour le voleur, étant donné qu'il porte du cuir, naturellement, ce serait de faire du travail du cuir. Donc, ça lui permettra de se fabriquer des armures en cuir. L'autre métier que je conseille aussi pour les voleurs qui peut être intéressant, c'est l'enchantement. Ça pourra justement lui permettre d'enchanter des bouts d'armure et d'enchanter également ses armes, parce que ses armes, ça va énormément jouer sur les dégâts qu'il va faire. Vous avez beau avoir un équipement du feu de dieu, si derrière vous avez deux petites armes qui font pas de dégâts, eh ben vous allez servir à rien. Et bon, il y a aussi votre façon de jouer, mais les armes, ça joue quand même un rôle assez important. Alors, concernant l'arbre de talent du voleur, il y a trois branches, donc pour toutes les autres classes, assassinat, combat et finesse. Alors, dans tous les cas que vous choisissez une branche ou l'autre, dans tous les cas, ce sera du dégât. Il n'y aura pas du soin, il n'y aura pas pour tanker, donc ce sera que du dégât. Et toujours au corps à corps. Alors, la spécialisation finesse, je crois qu'elle est plutôt pour les joueurs qui font des champs de bataille. Parce qu'en fait, on va plutôt se spécialiser dans tout ce qui est furtivité. Et tout ce qui est les coups quand on sort de furtivité, enfin les coups qui sont plutôt débloquables quand on est sous forme furtive. Donc là c'est pour immobiliser, faire du dégât, tout ça. Donc là on va maximiser les dégâts qu'on fait à ce moment là pour justement tuer le plus rapidement possible sa cible et retourner ensuite dans les ombres. Parce que un voleur en champ de bataille qui a découvert, généralement il va pas tenir longtemps. Donc les trois quarts du temps il sera souvent en furtivité pour approcher le plus vicieusement sa cible pour la prendre souvent par derrière. Ensuite, l'autre arbre de talent qui est la spécialisation combat, je pense qu'il est plutôt utilisé pour du PVE, c'est-à-dire joueur contre environnement. Ça permet justement d'avoir une bonne régénération et d'enchaîner un maximum en faisant du dégât en continu, sans forcément que ce soit sur la furtivité, mais c'est plutôt sur tous les coups hors furtif. Et c'est pour pouvoir enchaîner tranquillement sans trop faire de pause. Généralement, j'ai monté un voleur jusqu'au niveau 66 en spécialisation combat. Et c'est vrai qu'à partir du niveau 40-50, on les enchaîne par 2 ou 3 les monstres sans aucun problème. Et la dernière spécialisation, c'est l'assassinat. C'est plus, on va dire, un peu plus orienté pour tout ce qui est poison. Ça va augmenter les chances d'appliquer des poisons, augmenter les dégâts du poison. Et c'est aussi également pour tout ce qui concerne les coups de grâce. Donc les coups de grâce qui se déclenchent justement quand on a un ou plusieurs points de combo. Donc ça concerne aussi bien la partie PVE que PVP. Et des joueurs vont plutôt préférer tel ou tel talent, donc ça, après ce sera plutôt à vous justement de regarder un peu sur les forums officiels et qu'est-ce qui vous semble plus pertinent par rapport à votre façon de jouer. Vous apprendrez plein de petites astuces intéressantes comme les statistiques qui sont à monter, etc. Bon, pour finir, moi, mon avis général sur le voleur, c'est une très bonne classe au corps à corps. Ça va vous procurer pas mal de sensations. Au bout de 2-3 heures avec le voleur, vous allez vite prendre vos marques et c'est vraiment agréable à jouer. Et vous allez voir que le côté furtif, surtout si vous faites du PVP, vous allez vraiment vous amuser avec. Sous la direction d'Edwin Van Cleef, la guilde des maçons est devenue la plus expérimentée des confréries de bâtisseurs. Ensemble, ils ont œuvré à la reconstruction de la ville d'Hurlevent, détruite par l'attaque des orques. Nous leur devons des chefs-d'œuvre comme la cathédrale ou le donjon d'Hurlevent. Ils ont su rendre à la ville sa grandeur d'antan. Pourtant, Van Cleef et ses maçons n'ont pas touché la moindre pièce de cuivre pour toutes leurs années de labeur, spoliés par les dirigeants corrompus de cette ville qui s'était enrichie à leurs dépens. Je connais Edwin depuis toujours. Et je lui ai enseigné tout ce qu'il y a à savoir si l'on veut survivre dans ma branche d'activité. Aussi suis-je le mieux placé pour vous mettre en garde. L'avoir comme ennemi serait la pire chose qu'il pourrait arriver à Hurlevent. N'ignorez pas mes avertissements, ou que la lumière ait pitié de nous. Mathias Shaw, maître de la guilde des assassins d'Hurlevent. Pour la chronique roleplay de ce mois-ci, on va s'intéresser à Van Cleef, qui est sûrement un des voleurs les plus connus de l'histoire de World of Warcraft. Il a traumatisé tout le monde à bas niveau avec la première instance. Et ne vous relevez pas. Donc Van Cleef grandit dans la ville d'Hurlevent, et puisque son père est maçon, lui aussi plus tard sera maçon. Et donc il est formé par son père sur les différents chantiers de la ville. Lorsque la guerre contre les orques éclate et que Stormwind, Hurlevent, est pris d'assaut par les orques, Van Cleef est obligé de fuir avec son ami Mathias Shaw, qui est le descendant d'une, d'une, grande lignée d'assassins, qui sera plus tard aussi le maître de la guilde des assassins, mais aussi le dirigeant du SI7, qui est le service secret d'Hurlevent, en quelque sorte. Et au contact de Mathias Shaw, donc il apprend toutes les subtilités du métier de rôdeur ou d'assassin. Dans l'armée de Hurlevent, Van Cleef se distinguera des autres soldats par ses opérations courageuses et intrépides. Il se faufilera derrière les lignes ennemies pour aller saboter les machines de guerre en plein campement orc. La guerre contre les orcs se termine, les humains reprennent le contrôle de la ville de Hurlevent, mais ils ne trouvent que des ruines. Donc les nobles de la ville lancent un grand chantier pour rendre Hurlevent sa splendeur d'antan. Bon. Comme de nombreux hommes venus des quatre coins du continent, Van Cleef va répondre à l'appel et va abandonner, du moins c'est ce qu'il croit, la carrière d'assassin. Il raccroche les dagues et il prend le marteau. Van Cleef se distingue assez rapidement des autres artisans. Il est talentueux, infatigable, charismatique. Je pense qu'il est auréolé de toute la gloire de son passé de combattant. Et donc, rapidement, on le charge des travaux les plus importants de la reconstruction d'Hurlevent, à savoir la cathédrale et le donjon, qui sont deux merveilles qui font encore maintenant la fierté d'Hurlevent. Donc Van Cleef, avec l'aide de tous les artisans, va terminer les travaux d'un temps record et il va aller voir les nobles pour leur réclamer un salaire pour lui et puis pour ses hommes. Les nobles retournent les poches de leurs vêtements de soie et lui disent « Mais avec quoi veux-tu qu'on paye ? On sort d'une très longue guerre contre les orques. » Bon, Van Cleef n'est pas dupe, il sait très bien comment les nobles d'Hurlevent vivent, il connaît très bien leur train de vie. Pour protester, il organise une grande marche une espèce de manifestation dans les rues avec tous ces artisans. Mais la manifestation dégénère suite à l'intervention des gardes. Parce qu'il faut savoir que si les nobles n'ont pas les moyens de payer les artisans, ils ont quand même les moyens de recruter des gardes et de les équiper pour faire taire les manifestations du peuple. Donc la manifestation dégénère, ça tourne à l'émeute. Malheureusement pour Van Cleef, la femme de Varian, le roi d'Hurlevent, Tiffin, est tué. Donc, les maçons sont déclarés hors la loi et n'ont pas d'autre choix que de fuir la ville avec leur famille. Dans la forêt d'Elwyn, Van Cleef se retrouve avec tous ces gens qui avaient quitté leur maison, leur village, pour participer à la reconstruction d'Hurlevent, et qui avaient tout dépensé parfois pour faire venir leur famille de loin, pour traverser le pays. Donc c'est des gens qui n'avaient vraiment plus rien. Van Cleef sent tous les regards se tourner vers lui et il comprend que sa carrière d'artisan est terminée. Et cette nuit-là, la confrérie des défias va naître. Plus inquiétant que les kobolds, une bande humaine de voleurs a fait son apparition dans la vallée. Ils portent des foulards rouges et se désignent comme une confrérie. Une telle organisation peut apporter bien des ennuis ici comme dans toute la forêt d'Elwyn. Rapidement, en fait, Van Cleef organise et entraîne toutes ses familles, tous ces hommes et femmes. Et au début, il va s'attaquer aux caravanes de marchandises qui quittent ou qui vont en direction d'Hurlevent, tout simplement pour se nourrir d'abord, et puis ensuite pour s'équiper, puisqu'il a besoin d'armes pour mener cette rébellion. Et son idée, en fait, c'est de priver Hurlevent de nourriture et de matériel pour que la ville soit obligée de réagir par rapport à la corruption des nobles. Il espère bien foutre tout le système par terre. Premières attaques, premières embuscades, tout se passe bien, sans violence, et les marchands n'opposent pas une grande résistance. Et donc, Van Cleef et ses hommes prennent confiance en eux, un peu trop sûrement, et ils en oublient toute prudence. Lorsque certains marchands excédés décident de se défendre, La confrérie prévaudra. Van Cleef décide de ne plus prendre de risques pour lui et ses hommes. Et dans sa profession, ne plus prendre de risques, ça veut malheureusement dire frapper le premier. La confrérie des défias est rejointe aussi assez rapidement par des mercenaires, des hors-la-lois, des coupe-jarrets, qui ont un peu plus d'expérience au combat que les anciens artisans, et surtout qui ont un peu moins de réticence à tuer. Bien évidemment, la riposte ne se fait pas attendre. Plusieurs campements défias sont massacrés par les gardes d'Hurlevent. Et donc Van Cleef se dit qu'il lui faudrait une base où il pourra se replier après les attaques contre les convois de marchandises. Et donc, avec ses hommes, avec ses défias, il investit une vieille mine d'or autour de laquelle s'était construite le village de Rislun. Donc, ces mines d'or, il s'agit des célèbres mortes mines qui se trouvent dans les marges de l'Ouest, qui sont en fait la première instance du côté de l'Alliance, première instance bas level. Pour présenter un peu cette instance, on va se retrouver avec plusieurs boss. Donc il y a l'ogre Raxor. Van Cleef paie bien pour vos têtes. Un boss qui ne pop pas tout le temps. Il s'agit du mineur Johnson. Le célèbre Mister Châtiment et un torrent tout noir. Nous sommes attaqués. Repoussez les envahisseurs. Gilnid le gobelin et Snid et son robot qui contre des butins que Van Cleef récupérera à travers ses attaques accepte de l'aider à construire l'outil de sa vengeance. Un immense bateau de guerre, un immense vaisseau de guerre avec lequel il veut prendre d'assaut Hurlevent. Donc ensuite vous aurez droit au Murloc Macaron, Cookie en anglais. Ensuite vous aurez droit au Capitaine Pauvert et finalement vous arriverez devant le grand méchant Van Cleef qu'on va devoir tuer. Et qui est de level 20. Donc l'intérêt de cette instance, c'est déjà que c'est la toute première. Et notre podcast aujourd'hui était sous le signe du voleur, vous aurez droit au premier set de voleurs. Il y a deux petits familiers à récupérer là-bas, qui sont un petit perroquet rouge, et sinon en tuant Macaron, on a une chance de récupérer son chat siamois, un petit chat siamois tout mignon, tout mimi, pour une première instance, pour découvrir le jeu, c'est nickel. Les mortes mines que nous a présenté Juppé vont donc être le QG que va se choisir Van Cleef. L'endroit où il passera les dernières années de sa vie, puisqu'il sera devenu assez paranoïaque, il va devenir l'ennemi numéro 1 de Hurlevent, donc il sera un peu traqué par les chasseurs de primes et par les joueurs aussi en l'occurrence. Chien, tous autant que vous êtes. Van Cleef, comme beaucoup de héros de Azeroth, s'est laissé aveuglé par son obsession, et même il s'est transformé en ce qu'il haïssait le plus, c'est-à-dire qu'au départ il voulait en quelque sorte protéger le peuple, il a défié la noblesse et Hurlevent. Il finit par être simplement un voleur comme tous les autres, dans une grotte pisseuse, entouré de gobelins et de hors-la-loi. Il a massacré de nombreux innocents, il s'est servi de la technologie des gobelins pour fabriquer les golems moissonneurs et à chasser les habitants de la marge de l'Ouest de leur demeure et de leur champ. On soupçonne même de fricoter avec les pirates, les gnogs. Il faut savoir aussi que Van Cleef va se mettre au service des nobles qu'il combattait, puisqu'il va profiter d'un voyage de Varian, du roi Varian, pour le faire enlever, en espérant obtenir une rançon de la ville d'Hurlevent, et donc, encore une fois, ça va avec son idée d'affaiblir la ville. Donc, il y a un impôt qui va être créé, et que chaque citoyen d'Hurlevent paiera pour la rançon du roi Varian, mais cet impôt sera bien sûr détourné par les nobles, et donc, Van Cleef ne fera que renforcer l'influence de cette noblesse corrompue sur le royaume, et plus particulièrement celle d'une certaine Dame Prestor que certains d'entre vous doivent connaître. Voilà, donc Van Cleef, comme l'a dit JP, sera tué par les joueurs. On découvrira peut-être d'autres choses. Si vous êtes du côté de l'Alliance, il y a toute une série de quêtes qui découlera de cette mise à mort. On ramène sa tête à Hurlevent, non? C'est pas ça? C'est pas Hurlevent, on ramène pas sa tête à Hurlevent, on ramène sa tête à la marge de l'Ouest, au commandant Grian Juan Mantle. Oui, parce qu'effectivement, les gens de la marge de l'Ouest que Van Cleef a chassé de leur terre vont s'unir et puis créer la milice du peuple. Voilà. Parce qu'il faut noter que la noblesse, elle n'envoie pas de troupes à la marge de l'Ouest pour aider justement les villageois qui sont obligés de se débrouiller tout seuls. Donc, au final, peut-être que des gens comprendront qu'il y a des problèmes à Hurlevent avec la mort de Van Cleef, peut-être. Peut-être une victoire à la Pyrrhus, je sais pas, mais je pense pas. Je pense que avec sa mort, Van Cleef va faire que renforcer le pouvoir de Hurlevent, puisqu'il aura créé une menace, créé un ennemi contre lequel Hurlevent aura lutté, et les gens auront l'impression que Hurlevent les a sauvés de Van Cleef, alors que Van Cleef se prenait pour un ami du peuple, un bandit au grand cœur. Imbécile, notre cause est juste. Et puis, je voulais préciser, moi, que les Mortemines avaient été le théâtre d'une autre histoire tout aussi tragique que celle de Van Cleef, un Roméo et Juliette avec un peu plus de poils et d'odeur. Puisque il faut savoir que pendant la première guerre contre les orques, la fille de Main Noire qui était à l'époque le chef de la Horde, donc c'est la fille de ce chef de guerre s'appelait Griselda. Et donc cette Griselda a eu le malheur de tomber amoureuse d'un ogre, un certain Turok. Alors là où ça posait problème, c'est que pour les orques, les ogres sont des êtres inférieurs, une main-d'œuvre éventuellement, pour pouvoir vivre pleinement son amour, son histoire d'amour, Griselda décide de fuir avec ce Turok dans cette mine d'or désaffectée. Malheureusement pour elle, son père, Foudrage, qui ne pouvait pas supporter l'idée qu'un ogre puisse poser les mains sur sa fille, lui envoie un bataillon d'orques les retrouver aux Mortemines et les tuer. Voilà. Voilà, c'est très triste. Et on se demande d'ailleurs si l'ogre qui était au Mortemine... Raxor, il me semble. Raxor, ouais. Donc on se demande si c'est pas un reste de cette époque, c'est-à-dire un des compagnons de Turok qui aurait pu échapper au bataillon orc. Voilà, juste à le préciser. Et ça donne quoi comme gosse à une orque avec un ogre? Rexar, c'est un demi-orque. Ah ouais, ah bah oui, ça va. Il faut se dire des mots d'amour, vive l'amour, okay. Alors juste avant de poursuivre le podcast, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les retours qu'on a eu pour la première émission. Donc comment ça a été perçu par la communauté, comment nous on l'a vécu plus ou moins de notre côté. Moi je voulais vraiment remercier tous les sites qui ont parlé de nous, et tous les gens même qui ont parlé de nous sur leur forum de guild ou ailleurs, voilà. J'apprécie. J'étais assez étonné, c'est la première fois que j'ai un site, grâce à Ludo d'ailleurs, je tenais à le préciser, grâce au travail de Ludo. Et en fait, j'ai découvert les statistiques des sites, et c'est impressionnant tout ce qu'on peut découvrir sur nos auditeurs. On arrive par exemple à savoir de quel pays ils se connectent, on découvre qui parle de nous, combien de gens ont cliqué sur les liens mis sur les autres sites. C'est assez étonnant, c'est très intéressant aussi. On sait aussi quels navigateurs ils utilisent. D'ailleurs, il y a certains d'entre vous qui utilisent Netscape. Alors les gars, il faut vraiment... On est au 21e siècle maintenant, hein, au 3e millénaire. Adaptez-vous un petit peu. Là, on a un peu de mal à comprendre. Ouais. Ben, on peut découvrir des tas d'autres choses. Depuis quel site les liens ont été mis. Non, mais d'ailleurs, je tenais à dire qu'on sait qui a dit du mal de l'émission. On vous envoie à Rick, c'est pour ça qu'il n'est pas là, en fait. En fait, moi, j'étais agréablement surpris, en fait, par comment ça a été accueilli par la communauté. Bon, c'était un peu dans les deux sens. Un peu, il y en a qui disaient, ouais, c'était un podcast un peu trop. Fallait qu'on s'arrête avant qu'on soit forcé de le faire. Ça m'a fait beaucoup rire, ce commentaire. Ils vont nous envoyer le GIGN. Non, mais sinon, non, je suis assez content, en fait, des retours qu'il y a eu. On est bien conscient qu'au niveau du son, il y avait pas mal de problèmes. Pour ça, c'est à Brock, hein, qu'il faut envoyer un petit mail d'insultes. C'est pas nous. JP et moi, on n'est que consultants, quoi. Dès que j'avais lu un commentaire qui m'avait un peu étonné, c'était quelqu'un qui disait « C'est le quatrième podcast, est-ce qu'ils vont pas finir par tous se répéter ?» Et en fait, on a quand même 11 millions de joueurs sur World of Warcraft. Il y a des milliers de quêtes, il y a des milliers de personnages, des milliers de... des centaines de zones. J'ai plutôt l'impression qu'il faudrait d'autres podcasts pour couvrir tout World of Warcraft. Puis d'un côté, c'est un plaisir qu'on prend nous de le faire. Enfin, c'est un... Enfin, je sais pas pour vous, après... Oui, moi c'est vrai, en fait, depuis les premiers épisodes d'Azeroth.fr, je dirais que ce serait bien effectivement de faire un podcast et tout. C'est la concrétisation d'un souhait que j'avais fait depuis longtemps. On va lancer un défi à Ludo, en fait, c'est d'essayer de faire une phrase sans dire Azeroth.fr ou Patrick dedans, d'accord? Donc, Ludo, Borak. Est-ce que tu es prêt? Oui. Moi, j'aimerais aussi remercier en fait tous les auditeurs qui ont posté des commentaires constructifs en donnant leur avis, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé sur le podcast. Parce que c'est vrai que mine de rien, ça nous a pas mal aidé à un peu dégrossir la chose, un peu voir comment c'était vu d'un point de vue extérieur. Oh, c'est gentil. Et Amshan, encore une fois, pour la bannière qu'elle nous a faite. Je n'oublierai pas. Bon bah maintenant on y retourne et on passe au raid du mois avec ce cher Ludo. Ah, vive l'amour. Alors ce mois-ci dans la partie PVEHL, nous allons vous parler de Maligos. Je suis le Tissessor. Ma puissance est infinie. Alors Maligos, donc c'est une instance de raid pour 10 ou 25 joueurs qui se trouve à Frimara. Donc c'est dans la toundra boréenne et plus précisément au Nexus. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est actuellement la seule instance de raid où il est nécessaire d'avoir un accès. Et cet accès se récupère en tuant Saphiron, donc, qui est l'avant-dernier boss de Naxxramas. Quand on va tuer Saphiron, en fait, il va laisser tomber une clé. Et si on tue Saphiron en raid 10, dans ce cas-là, on aura une clé pour Maligos en raid 10. Et si on tue Saphiron en raid 25, on aura donc une clé pour Maligos en raid 25 et en raid 10. Alors, Maligos est un raid assez intéressant parce qu'il va se passer de façon assez originale. Ça casse un peu les habitudes de raid qu'on avait jusqu'à présent parce que ça va se passer en trois phases. Et la première phase est une phase plus ou moins classique et les deux autres phases ça va se passer plutôt dans les airs. Alors Maligos en quelques chiffres, en raid 25 Maligos a 19,5 millions de points de vie et en raid 10 il en a 7 millions. Ça fait quand même une grosse bébête. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en raid 10 ou en raid 25, il enrage au bout de 10 minutes. Donc vous avez quand même la pression tout au long du combat pour y arriver. Bon, on va pas parler des hauts faits liés à l'instance, on va parler uniquement du combat en lui-même. Alors, moi ce que je peux vous recommander en fait par rapport à la composition du raid 25, donc en mode héroïque, on va se baser sur un tank principal, celui qui a le plus gros nombre de points de vie, parce qu'il va devoir absorber une très grosse quantité de dégâts, des arcanes et des dégâts physiques. Ensuite, 1 à 2 off-tank, après 8 soigneurs pour les débuts, et le reste en DPS en évitant d'avoir plus de 4 DPS au corps à corps. Pareil, si vous n'avez pas 2 chevaliers de la mort en raid 25, ça va être assez tendu. Et dans une optique raid 10, on va dire, bah, là ce sera beaucoup plus simple. Un seul tank principal, un off-tank, 3 soigneurs, si vous n'êtes pas trop habitué, sinon on peut descendre à 2, et le reste en classe de dégâts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est aussi les soins instantanés seront très bienvenus, donc tout ce qui est druide avec les soins dans le temps et les prêtres avec le cercle de soins. Alors, la première phase, ça va se passer au sol, donc on va en fait faire du dégât sur Maligos, on va dire c'est du classique. Maligos a plusieurs petites capacités. La première capacité c'est Souffle des Arcanes qui l'incante environ toutes les 15 secondes. Et c'est une attaque en zone frontale, donc c'est-à-dire devant lui, et qui inflige en mode héroïque 30 000 points de dégâts et en mode normal 20 000 points de dégâts. Donc bien évidemment, il faut que devant lui, il y ait uniquement le tank et surtout pas les classes qui font du dégât. Alors juste une petite parenthèse, Maligos, c'est le seul dragon qui met pas de coup de queue. Cherchez l'erreur. Bon, donc vos DPS au corps à corps, ils pourront justement se mettre derrière Maligos, il n'y aura aucun problème, ils ne se prendront pas des coups de queue comme on a souvent l'habitude ou en éjecté. Alors toujours sur le souffle des arcanes, les personnes en fait qui sont touchées donc par le souffle des arcanes, elles vont exploser en fait sur 5 secondes, donc c'est-à-dire sur 5 secondes, donc une fois qu'elles ont pris les 30 000 points de dégâts ou les 20 000 points de dégâts, elles vont encore subir pendant 5 secondes 20 000 points de dégâts en héroïque et 10 000 points de dégâts en mode normal. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait seulement le tank devant Maligos. Alors ensuite il y a une autre capacité qui s'appelle Orage Arcanique, ça se passe toutes les 10 à 15 secondes sur une cible du raid au hasard. Ça pique assez parce que ça fait du 10 000 points de dégâts en mode normal et environ du 13 000 en mode héroïque. Et il y a une autre capacité qui s'appelle le Vortex, donc ça se passe toutes les minutes. Maligos s'envolera et tout le monde en fait va être en quelque sorte absorbé par le vortex et tout le monde va tourbillonner en l'air. Donc à ce moment-là, si vous voulez, vous êtes une classe qui fait du dégât, vous pourrez continuer à faire du dégât ou soigner, mais uniquement avec des attaques, avec des sorts ou des capacités instantanées. Donc vous ne pourrez pas incanter parce que vu que vous êtes considéré comme en mouvement, une fois que le vortex est terminé, donc vous êtes éjecté sur le sol et bien sûr vous avez un peu des points de dégâts de chute, sinon ce serait pas drôle. Ça va être là justement le moment pour faire les sauts instantanés, les druides et les prêtres. Alors, tout à l'heure aussi, je vous parlais de l'utilité d'avoir des chevaliers de la mort. Si on en a besoin, c'est pour justement la capacité suivante, c'est les étincelles de puissance. En fait, ce sont des genres de petites étincelles que Maligos va invoquer, je crois que c'est toutes les 20-30 secondes. Et ces étincelles, en fait, elles vont soit booster les dégâts que va faire le boss de 50%, soit booster les dégâts que fait le raid de 50%. Donc ça dépend en fait où l'étincelle va apparaître, enfin va arriver plutôt. Donc c'est à dire dès qu'une étincelle va apparaître, le chevalier de la mort il va l'attirer avec sa poigne de la mort. Donc un chevalier de la mort spécialisé en glace de préférence, enfin en givre plutôt. Il va l'attirer donc au milieu là où se trouve tout le raid et va la détruire. Et donc en la détruisant, ça va justement augmenter de 50% tous les dégâts du raid. Ce qu'il faut savoir c'est que le bonus qu'apportent ces étincelles, il peut se cumuler s'il y a plusieurs étincelles. Donc là, vous allez taper beaucoup plus fort, mais faites attention à votre agressivité. Contrôlez quand même ça, parce que ça peut être très vite, ça peut aller très vite. Si Maligos se tourne contre vous et qu'il fait en même temps son souffle des arcanes, c'est la mort du raid. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque étincelle en raid 25 environ 40 000 points de vie, juste un peu moins 40 000. Et en raid 10, elles ont un peu plus de 13 000 points de vie. Donc dès que vous les voyez, dès qu'elles sont au milieu du raid, faut à tout prix les détruire le plus vite possible pour profiter justement de ces améliorations. Donc une fois toutes ces petites difficultés passées, Maligos va s'envoler et donc là on passe à la phase 2. Alors la phase 2 c'est là où ça va être un petit peu rigolo pour justement les classes qui font du dégât au corps à corps, si vos raiders sont à l'aise. Il va y avoir 2 seigneurs du Nexus en raid 10 et 4 seigneurs du Nexus en raid 25 qui vont apparaître. Donc en fait ce sont des... je crois qu'ils ont l'apparence d'elfes de sang. Et ils seront montés en fait sur des disques qui volent. Donc en raid 25 et en raid 10, donc les temps qui vont se répartir de façon équitable les seigneurs du Nexus, donc 2 sur chaque ou 1 sur chaque, parce qu'ils tapent relativement fort. Et ils se lancent des buffs entre eux, donc il faudra essayer de les tomber le plus rapidement possible, ne pas trop traîner. Et dès qu'il y en a un qui tombe, donc un de vos classes qui sont encore à corps qui fait du dégât, va faire un clic droit sur le disque et va s'envoler avec. Alors, pour diriger le disque, ça se passe comme une voiture volante, c'est exactement la même chose. Donc là, ce sera justement un combat aérien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'aggro quand vous êtes en l'air. Donc vous pouvez vous lâcher niveau DPS, vous récupérez pas l'aggro. Les elfes de sang qui volent sur les disques, ils se concentrent uniquement à jeter des sorts sur les cibles qui sont sur la plateforme principale. Alors en parallèle de ça, il va y avoir Maligos, il va lancer des boucliers anti-magie sur la plateforme principale. En fait, ce sont des gros boucliers violets, c'est un peu comme c'est le même bouclier anti-magie que le chevalier de la mort, sauf qu'ils sont un peu plus gros. Et en fait, toutes les personnes qui sont encore sur la plateforme centrale devront aller dans ce bouclier anti-magie. Pourquoi ? Parce que ça va réduire donc les dégâts magiques de 50% et que de temps en temps, Maligos, en fait, il va faire un souffle qui va infliger 4000 points de dégâts toutes les secondes aux joueurs qui ne sont pas sous un bouclier. Donc, faudra faire attention parce que les boucliers anti-magie ne restent pas en place. Enfin, ils ne restent pas indéfiniment là. Ils vont petit à petit en fait réduire de taille jusqu'à disparaître. Une fois qu'on a tué tous les elfes de sang, on passe en phase 3. Et là, la plateforme là où vous êtes est totalement détruite. Vous tombez dans le vide et là, c'est les dragons rouges du vol d'Alexstrasza qui prennent le relais. Donc vous montez directement sur leur dos. Et là, vous combattez directement à dos de dragon. Vos bienfaiteurs font enfin leur entrée. Mais ils arrivent trop tard. Donc, pour les compétences de dragon, donc vous allez récupérer leurs compétences. Ça se passe comme une quête qui se trouve à Frimara également. C'est dans les anneaux supérieurs, on peut y accéder uniquement avec une monture volante. Vous allez monter un dragon et les compétences qu'aura ce dragon, ce sera exactement les mêmes compétences qu'ils ont dans le dans l'œil d'éternité, donc dans le repère de Maligos. Donc il est fortement, voire très très fortement conseillé à toutes les personnes qui vont faire Maligos de faire d'abord cette quête. Histoire de se familiariser avec les aptitudes, les capacités du dragon. La quête journalière s'appelle Un As dans notre jeu. Un As dans notre jeu ? Un As dans notre jeu. Ah, ok. Alors donc, la phase 3. Donc, à ce niveau-là, Maligos va avoir 3 nouvelles attaques. La première s'appelle Vague de Puissance. Ça inflige environ 72 000 points de dégâts à 3 dragons en 3 secondes. Donc, je vous rassure, hein, quand vous êtes à d'autres dragons, ce sera plus vos points de vie, ce sera les points de vie de dragon. Donc, 72 000 points de dégâts, vous inquiétez pas, c'est pas les vôtres. Donc, les joueurs en fait qui seront sous, justement, qui subiront la vague de puissance, donc qui fait 72 000 points de dégâts en 3 secondes, il faudra lancer le bouclier de flamme pour que justement les dégâts soient réduits de 80%. Donc, ce sera dans les capacités, vous verrez, du dragon. Alors, il y a une autre capacité, ça s'appelle également champ statique. Là c'est Maligos en fait qui va invoquer régulièrement des boules électriques qui vont faire des dégâts de zone constants à environ 10 000 points de dégâts. Donc là vous stoppez tout DPS et enfin tout dégâts et vous bougez. Et la troisième compétence s'appelle l'impulsion arcanique. C'est un sort de zone autour donc de Maligos qui fait du 30 000 points de dégâts. Le mieux c'est que tout le raid soit à distance maximale. Donc je crois que c'est 40 mètres, 30 ou 40 mètres. Et être très mobile dès que vous voyez un champ statique. Alors, concernant les aptitudes des dragons, il y en a qui vont faire des dégâts, d'autres qui vont soigner. Le mieux, c'est pour éviter de casser rompre les synergies, ce serait que tous vos soigneurs du raid s'occupent de soigner le reste du raid. Ceux qui font du dégât s'occupent des dégâts, et les tanks, bon ben, eux, ils feront du dégât également avec le dragon. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les interfaces, donc raid des soigneurs, il va falloir que pour la phase 3, ils aient activé un module qui leur permet de voir les familiers des membres du raid. Parce qu'en fait, quand vous serez sur un dragon, le dragon sera considéré comme un familier. Et pour que vos soigneurs puissent soigner efficacement et savoir qui soigner, il faut qu'ils aient un affichage des familiers. Voilà. Donc sinon, pour tous les autres dragons qui font du dégât, donc vous allez utiliser principalement deux sorts. Deux compétences. La première qui s'appelle Dard de Flamme et la deuxième qui s'appelle Enveloppé dans les Flammes. Alors Dard de Flamme en fait c'est une compétence que vous allez utiliser avec votre dragon qui inflige 1000 points de dégâts et va donner un point de combo. Alors ça va se passer en fait comme les voleurs, comme donc je vous expliquais dans la chronique des voleurs. Plus vous allez avoir de points de combo, plus le coup de finition va être puissant. Vous allez commencer par faire deux fois le dard de flamme, donc de façon à avoir deux points de combo. Une fois que vous en avez deux, vous déclenchez la finition, donc enveloppé dans les flammes. Dès que le temps de recharge global est réinitialisé, vous lancez cette fois-ci trois dards de flamme, et ensuite la finition. Une fois que vous l'avez fait, vous passez à quatre fois le dard de flamme, et ensuite la finition. Comme ça dure encore plus longtemps. Et ensuite, cinq dards de flamme, et la finition. Et ensuite, vous continuez. 5 dards de flamme, une finition, 5 dards de flamme, enveloppé dans les flammes, etc., etc. Que je vous souhaite bon courage pour Maligos. Vous attendez pas à le tomber dès la première fois, parce que même si ça peut paraître simple comme ça, ça ne l'est pas. Franchement, c'est un combat assez intéressant, très original. Voilà. Si vous voulez mieux comprendre, moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur le site des Millennium. Et de regarder le guide Maligos. Vous mettrez le lien direct en fait vers la page. Alors, on y trouve toutes les informations intéressantes et c'est également là que je me suis appuyé justement pour vous faire un petit peu le détail de Maligos. Enfant ignorant, je vais vous montrer à quel point vous ne connaissez rien de la magie. Et tout de suite, nous allons passer à la partie pierre de foyer. Et alors pour la partie pierre de foyer de ce mois-ci. Je vais vous ramener très très en arrière puisque je vous parlais d'un site qui s'appelle WoW Addict. C'était des petits textes en fait qui étaient écrits par un certain Mistral. World of Warcraft est un lycée et 4 lycéens se retrouvent à pas devoir aggro le prof de maths par exemple, à essayer de passer en fufu dans la cour de récré pour pas se faire raqueter. Les quêtes sont des exercices de maths ou bien aller parler à une fille. C'était de dialogue, simplement de dialogue entre eux. assez amusant. Il y a plusieurs sections, et il y en a une autre qui s'appelle Pendant ce temps-là dans les bureaux de Blizzard, et ça parle des développeurs de World of Warcraft qui sont en train de faire les dernières mises au point pour la mise à jour. Ils reçoivent un commentaire d'un prêtre qui leur plaît pas, donc ils font... Dans la mise à jour, ils font en sorte que les prêtres soient obligés pour soigner, d'être tout nus. Ils ont une stagiaire qui est illettrée, donc qui fait des quêtes avec 6 fautes d'orthographe par mot. Ils font des trucs comme ça et c'est très drôle. Voilà. Ah, mais ça me dit quelque chose, ça, ouais. Ces petites histoires, je me souviens les avoir lues, je m'étais bien poilé en les lisant. C'était assez agréable, ouais. Ouais bah tu... Mais ça remonte, effectivement, ouais. Ouh, ça remonte à très longtemps. Moi, ça fait. J'ai découvert ça quand j'ai commencé à jouer à WoW, donc il y a 2 ans et demi maintenant. On mettra le lien. Dans nos coups de cœur, allez voir le site et peut-être qu'en revoyant du mouvement, Mistral reviendra et continuera à écrire la suite parce que ça valait vraiment le détour. L'autre chose dont je voulais parler, moi c'était en rapport avec la chronique de JP, c'est une vidéo sur les mortes mines et sur l'histoire de Van Cleef. Ah ouais, franchement, ça c'est dans le même style que les vidéos qu'a fait Blizzard, par exemple pour Zulaman ou le Temple Noir, qui explique bien l'histoire de l'instance. Et là, ça reprend bien le passé de Sir Van Cleef et ça explique bien, ça montre bien l'instance, les boss. Enfin voilà, c'est une excellente vidéo que je recommande à tout le monde. Voilà. Moi, je vais juste préciser que la vidéo raconte pas tout à fait l'histoire de Van Cleef de la même manière que nous, en tout cas en ce qui concerne le bannissement, et puis qu'elle est en anglais non sous-titrée. Win the yes, need the no to win, again the no. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'était un blog, le blog de Selkis, Herbacha. Selkis donc, est une joueuse de WoW. Et Herbacha parle de son quotidien, c'est sa vie par rapport aux jeux vidéo, sa vie au travail, sa vie par rapport au dessin, c'est très intime, elle se dévoile beaucoup. Et dans tous ce qu'elle appelle les strips, il y a les fameux ASV. Alors ASV c'est âge, sexe, ville, c'était une très vieille formule des premiers chats. Ouais mais c'était à l'époque, il n'y avait pas tous les profils, tout ça, ça n'existait pas. Maintenant tout est rempli donc t'as plus besoin de le poser comme question. Ouais, ouais. Mais là donc ASV c'est une série de planches, il y a 6 épisodes pour l'instant. Et elle est apparemment en train de bosser sur la 7ème, qui parle de son expérience de joueuse, qui raconte l'histoire de sa morte vivante. Et qui découvre petit à petit World of Warcraft. Donc il y a eu les planches PVP, il y en a eu sur comment monter un groupe. Elle dessine très très bien. J'ai eu le plaisir de l'interviewer. Voilà, donc c'est une interview qui dure 15 minutes. Et bien, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Bonjour Selkis. Bonjour Brock, ravi de t'entendre. Tu existes un peu plus avec une voix. Toi aussi, du coup. Est-ce que tu peux nous parler de ton blog? Alors, à la base, j'ai créé un blog parce que je trouvais pas de motivation particulière pour dessiner. J'étais dans la petite phase où on a du mal à trouver de l'inspiration. Et je prenais plaisir à lire les grands blogs BD au quotidien. Bah, les plus célèbres, hein, les boulets, les chats, les Laurel. Et le blog, ça avait le côté communauté, participatif. J'aimais bien traîner sur les forums, les choses comme ça. Donc c'était un peu l'occasion de regrouper le tout. Donc j'ai créé mon blog Herbacha donc et c'était à la base un fourre-tout pour présenter un peu des illustrations et m'essayer à faire des strips. Et voilà, je me suis lancée un peu sans savoir où j'allais, en essayant de me dire je vais essayer de poster au moins une chose par semaine et on verra si j'arrive à tenir plus d'une semaine. Et puis je me suis rendu compte que c'était moins facile à faire qu'à lire. Est-ce que tu sais quand le blog a commencé à décoller ? Oui, ben il a vraiment décollé au moment où j'ai commencé ASV, que j'ai vraiment commencé par hasard parce que c'était au boulot une collègue qui me demande « Mais qu'est-ce que c'est World of Warcraft ? Je comprends rien. » Donc comme elle suivait mon blog, je me suis dit « Bah c'est l'occasion de lancer quelque chose là-dessus. » Et forcément, quand tu passes en news sur Judge Hype, là, ça t'apporte un boom de visiteurs. Et là où c'est agréable, c'est qu'il y a des... Parce que je suis pas toujours régulière sur mes notes sur WoW, mais il y a des gens qui viennent justement de ce public de joueurs de WoW et qui restent quand même, qui s'intéressent aux autres choses. J'ai réussi à fidéliser un minimum. Quels sont tes meilleurs souvenirs de WoWieuse ? Vraiment, ce qui ne me fait pas regretter d'avoir fait le blog, c'est surtout tous les gens que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu créer des affinités. Parce que c'est vrai que c'est un outil qui fait que tu as tendance à passer sur les blogs des autres, ils reviennent sur les tiens, tu fais des chaînes, des choses comme ça. Il y a une espèce de petite communauté de nanas qui font des blogs plus orientés jeux vidéo ou autre chose comme ça. Donc, que des nénettes assez rigolotes. Et grâce à mon blog, c'est comme ça aussi que j'ai retrouvé une nana que je connaissais sur un vieux site de jeux de rôle sur internet et que j'ai retrouvé complètement par hasard en reconnaissant ses dessins alors qu'on s'était pas parlé depuis 6-7 ans. Donc c'est toujours des surprises comme ça qui sont marrantes parce que on se rend compte qu'internet est minuscule. En gros, à deux blogs près, tu connais tout le monde sur la toile. Ton blog parle essentiellement de ton rapport aux jeux vidéo. Est-ce que tu peux justement nous faire une espèce de parcours de Selkis, le chemin de Selkis à travers toutes ces communautés ? Alors, le chemin de Selkis, il remonte à super longtemps, quand elle n'avait pas encore de pseudo. Parce qu'en fait, le premier jeu auquel j'ai joué, c'était sur un vieux PC, un Olivetti dont l'écran était uniquement noir et vert. Et il a été créé l'année de ma naissance. Ça s'appelait Cat, c'était un jeu de plateforme en 2D, avec un petit chat qui montait sur des poubelles et... Quasiment à l'âge où j'ai été capable de taper sur un clavier, j'ai joué à ce jeu-là. J'ai vraiment grandi dans le jeu vidéo, j'ai vu les débuts des shareware, j'ai vu apparaître Wolfenstein 3D, j'ai vu apparaître les premiers Duke Nukem, ces choses-là. Donc j'ai joué à plein de petits jeux, et puis je suis passée par la grande période des jeux d'aventure, point and click, avec les Sierra, les LucasArts, j'ai vraiment adoré tous ces jeux-là. Donc j'ai beaucoup parlé sur mon blog du fameux Shadow of the Comet, qui a été mon premier jeu qui m'a vraiment inspiré. J'étais jeune, hein, je devais avoir 6-7 ans quand j'ai joué à ça. Il y avait 3 pixels, mais qu'est-ce que ça m'a fait peur à l'époque. Mais ça m'a fait découvrir l'univers de Lovecraft, ça m'a donné envie plus tard de m'intéresser aux jeux de rôle, de m'intéresser aux scénarios, des choses comme ça. Donc les jeux vidéo m'ont un peu construit. Et puis j'ai continué sur les jeux d'aventure. J'aimais vraiment en fait plus les jeux à scénario. C'est pour ça que j'aimais les jeux d'aventure ou les jeux de rôle. Mais bon, après, j'ai toujours évolué avec les jeux vidéo sur PC. Après sur console, je suis passée par toutes les consoles jusqu'à WoW, qui a été un peu la mort des jeux vidéo pendant 3 ans parce que j'ai plus joué qu'à ça. Donc, à part quelques petits Prince of Persia à côté, il n'y avait plus grand-chose. Et ça m'a un peu manqué, parce que c'est vrai que depuis que je joue moins à WoW, je me suis remise à redécouvrir justement des jeux à côté desquels j'étais peut-être passée. Sinon, je traîne aussi dans un endroit où j'ai créé le pseudo Selkis, justement, qui est une communauté d'abandonware, qui s'appelle Lost Treasure FR, qui justement recense et propose en téléchargement tous les anciens jeux vidéo qui sont considérés abandonnés par les éditeurs. Oui, c'est grâce à eux que j'ai découvert Monkey Island, tout ça, donc je connaissais un peu. Bah, ce site-là m'a permis aussi de faire pas mal de rencontres, et c'est vrai que j'y suis allé pour télécharger Shadow of the Comet la première fois. D'accord, ah mais tu as une boîte dans le strip, mais en fait tu n'as pas acheté le jeu, jamais ou... Ah si, je l'ai acheté 4 fois, mais je l'ai téléchargé parce qu'il marche pas avec le CD, il va beaucoup trop vite pour être D'accord, ah oui. Et est-ce qu'il y a une planche dont tu es plus fier que les autres, un strip, je sais pas comment tu... Il y a un strip que j'aime bien, c'est un qui ressemble à un des ASV mais qui n'en est pas un, c'est une petite planche que j'avais appelée Nostalgie. Et dans cette planche-là, j'avais un peu parlé d'une nouvelle période dans WoW où je changeais un peu de serveur avec des gens que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Et c'était un peu une façon de leur dire, sans oser leur dire en face, parce que j'arriverai jamais à dire à quelqu'un les choses sympathiques en face. C'est une façon de leur dire que voilà, sur WoW on avait fait quelque chose qui allait au-delà de juste la communauté, de juste le jeu. C'était une déclaration d'amour à mes amis que j'ai eu le courage de faire qu'en planche. Voilà, ça c'était un strip que j'aimais bien. Ah oui, donc il y a ça aussi, tu peux te servir du blog pour faire passer des choses que tu n'arrives pas à dire en vrai à tes amis par exemple. C'est oui, c'est une façon de faire passer des messages. C'est en plus de faire passer des messages devant tout le monde en mettant juste assez de sous-entendus pour que les personnes concernées comprennent. Je pense que ça se fait beaucoup sur les blogs et qu'on s'en rend pas toujours forcément compte. J'aime bien passer des anecdotes, passer des petits détails pour faire plaisir à certains ou pour en emmerder d'autres, hein. Je m'en cache pas. Enfin, ça m'arrive jamais de me dire « Tiens, j'aimerais parler de ça. Ah non, je peux pas. » Mais il y a des sujets que j'ai juste pas envie d'aborder, donc bon, c'est pas de la censure, c'est juste que j'en parle pas, des choses que je garde pour moi, parce que bah, c'est plus ce qui touche à la vie privée, parce que je pense que les gens viennent aussi sur le blog pour qu'il y ait un ton assez léger, pour passer un bon moment, enfin pas forcément pour rentrer dans les détails, je parle de mon quotidien, mais sans trop le détailler, parce que j'aime pas particulièrement ça non plus sur les autres blogs. Moi, j'y vais plus pour m'évader que pour rester trop terre à terre. Et toi, tu as fait du vrai jeu de rôle papier. Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais aux gens qui voudraient essayer le jeu de rôle sur WoW? C'est vrai que c'est la même chose que sur table. Au début, tu sais pas trop ce que c'est, tu sais pas trop comment ça peut se passer. Je pense que t'as pas forcément envie de te lancer. À mon avis, l'idéal, c'est comme sur table, c'est de trouver quelqu'un dans ton entourage qui en fait et puis d'essayer de te faire intégrer à une communauté. Ou tout simplement de faire un petit tour sur les forums, sur ce qui existe, et puis d'essayer de poser quelques questions, de t'intégrer, ou de venir me demander sur mon blog des conseils. Mais Tiens, à ASV sur le RP, tu pourrais... C'est prévu, parce que sur le RP, j'ai autant de bien à dire que de mal, parce que j'ai pratiqué un peu toutes les sortes de joueurs. Et c'est aussi ce qui m'avait un peu dégoûté des serveurs roleplay au début. Déjà, ces intégristes-là, ils arrivent, ils te parlent forcément en langage soutenu du Moyen-Âge. « Gentedame, m'accorderiez-vous l'honneur de venir faire un tour avec moi ?» Sachant que les trois quarts du temps, en plus, c'est pour tomber sur du cybersexe, parce que « Oh, je suis triste, j'ai un passé douloureux, mes parents ont été assassinés, mon village a été brûlé, console-moi. » « Et mon oncle, il a des boules en cuivre ?» Puis tu les sens venir à 10 km à la ronde, il te fait les mots « machin, passe la main dans vos cheveux, dans un geste tendre, non mais c'est bon. » Et qui en plus ne supporte pas quand t'as l'outrecuidance d'avoir un personnage qui parle normalement. Parce qu'on est quand même dans un univers d'heroic fantasy où on en prend plein la gueule à la guerre, donc on n'est pas forcément toujours en train d'aller prendre le thé chez l'ambassadeur. Et ça, il supporte pas. C'est « Ah, mais vous ne m'avez point, je n'oserais supporter un tel outrage, je vous défie en duel. » Et là, il te duelle, t'es niveau 30, il est niveau 80, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses? Et il dit, ah bah non, mais ton perso, il devrait accepter et tu devrais te laisser casser la gueule. Donc ça m'a gavé, c'est pour ça que je suis plus retournée vers des plus petites communautés. J'ai rencontré donc des gens qui faisaient du jeu de rôle par forum, sur la base de leurs avatars de WoW. On développe des histoires, chaque personnage a son scénario, il y a un scénario général, une timeline qu'on suit avec différentes choses à faire au fur et à mesure. Après, on continue à développer ça quand on veut avancer un peu plus vite que par forum. On fait des soirées en jeu pour faire du jeu un peu plus direct, des échanges un petit peu plus directs. Mais c'est vrai que le souci, ça reste aussi d'arriver à se faire des petites zones de roleplay assez immersives à l'intérieur d'un jeu qui n'est pas vraiment fait pour ça, parce que tu sens vraiment le carcan du jeu vidéo, et au milieu de personnes qui sont pas non plus forcément là pour faire du roleplay. Et d'un côté, t'as un vendeur de gold chinois, de l'autre, t'as un gars qui se fout de ta gueule parce qu'il trouve ça vachement rigolo ce que tu fais. Donc c'est pas forcément des conditions optimales, même sur un serveur roleplay. Qu'est-ce qui te fait rester sur WoW maintenant pour... Bah, ce qui me fait rester, déjà, c'est vrai que ce qui fait que je me détache petit à petit de WoW, c'est que j'ai une certaine forme de lassitude par rapport au côté répétitif de ce qu'il y a à faire dessus. J'étais vraiment à fond dedans jusqu'à Burning Crusade. Mais c'est vrai que la remise à zéro permanente avec chaque add-on m'a un peu découragée, parce que j'ai de moins en moins de temps de jeu aussi, j'ai de plus en plus de choses à faire autour, surtout depuis que je suis plus étudiante. Enfin, je me suis pas sentie, je sais pas, hein, ça arrive à tout le monde, baisse de motivation. Je me suis pas sentie de me relancer dans la course aux réputations, dans la course aux instances, dans la course au stuff, tout ça. Donc c'est ça qui a fait que j'ai ralenti mon jeu. Et par contre, ce qui fait que je reste, bah, d'une part, il y a cette communauté roleplay dont je te parlais. Je suis passée sur un serveur roleplay avec un autre personnage qui fait que je prends beaucoup de plaisir simplement à écrire des histoires. Et puis il y a d'autres dessinatrices dans cette communauté, donc c'est une émulation artistique. Hein, on dessine, on écrit, c'est assez fun. Et tout simplement les gens. Je crois que c'est la force des MMORPG, c'est vraiment que j'ai joué avec des gens à qui je me suis vraiment attachée. Et que je prends du plaisir à retourner les voir, à retourner jouer avec eux, même quand c'est pas pour longtemps. Je pense que sans eux, j'aurais certainement pas tenu plus de 3 ans et j'aurais peut-être même pas tenu 6 mois. J'ai fait toute ma période de PEX avec un ami et qui jouait un war, et moi j'étais sur une prêtresse. Et on était pathétiques, et qu'est-ce qu'on a pu rigoler. J'avais d'ailleurs fait des minuscules strips à cette époque qu'il faudrait que je retrouve, c'était marrant, mais on passait notre temps à faire n'importe quoi, à mourir n'importe comment, à tomber dans des trous en permanence, à se perdre, on pouvait mettre 2 heures à se retrouver parce qu'on n'avait pas compris la fonction groupe. J'ai beaucoup rigolé avec ça. Bon, je reviens sur le blog. Tu as fait une planche qui se passe dans le futur. Oui. On apprend que tu auras sûrement les cheveux frisés et aussi que tu feras publier tes illustrations. Qu'est-ce que tu as comme projet par rapport à ça? Alors, j'ai pas de projet précis. Je travaille déjà dans le graphisme, donc je suis amenée des fois à faire des illustrations, mais c'est pas des choses personnelles. C'est principalement pour la publicité, donc je profite de ce que je sais faire pour l'insérer dans mon boulot, mais j'aimerais, j'ai pas d'idée précise, mais ça me plairait effectivement, soit de peut-être publier des illustrations pour des petits magazines, peut-être même de l'illustration pour enfants, et peut-être dans un avenir encore plus lointain, pourquoi pas de la bande dessinée, mais pour ça, faudrait vraiment que je me sente moi pleinement efficace, parce que je râle suffisamment devant certaines BD qui sortent, où je me dis que la personne n'a pas le niveau, pour me lancer sans être vraiment sûr de moi. Et pour l'avenir d'Herbacha plutôt, ou d'ASV, qu'est-ce qui nous attend? Herbacha, ça continuera tant que j'aurai de l'inspiration, et puis tant que j'aurai le temps de poster régulièrement, parce que le but, c'est pas d'avoir un blog avec un post par mois. J'essaye de me tenir à des quotas que je me fixe moi-même. Et ASV, c'est vrai que là, ça fait un moment que je l'ai laissé de côté, un long moment, parce que ça me prend beaucoup de temps. Je m'attendais pas à ce que les planches soient aussi longues à réaliser, je suis peut-être un peu trop perfectionniste parce que des fois il y a même des détails que je rajoute et qui se voient plus en petit. Mais j'ai normalement programmé de le remettre en route quand j'aurai fini une période un peu houleuse en termes d'occupation. Donc normalement ça devrait réapparaître sur le blog. D'accord, très bien. Il ne reste plus qu'à te dire au revoir alors, c'est ça? Ouais. Ouais. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Et puis à bientôt donc sur Herbacha. Ok, ça roule. À bientôt. À bientôt, ouais, merci. Ciao. Salut. Terriblement efficace. Il y a un petit texte, un dernier coup de cœur sur le forum Jeux de Rôle, qui est le texte de Kisjin, qui est un troll. Est-ce que vous vous souvenez de ces livres dont vous êtes le héros? C'est vieux ça. Ouais, c'est vieux, mais c'était vraiment super. Le principe, c'était, on vous proposait des choix à la fin de chaque paragraphe, et vous faisiez un peu votre chemin à travers le livre. Et donc, ce troll, ce Kisjin, a fait un petit texte sur le même principe, et donc à la fin de chaque paragraphe il propose plusieurs possibilités et il écrit la suite en fonction des votes des lecteurs. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil et puis n'hésitez pas à voter ou à laisser un commentaire pour l'encourager, parce que c'est une très bonne initiative et c'est très marrant de pouvoir participer comme ça à un texte. Et puis enfin, une autre petite vidéo dont j'aimerais parler qui n'est pas tout à fait liée au à World of Warcraft, mais ça vient d'une des légendes du forum hors sujet, mon ami Zion, que tous ceux qui fréquentent le forum hors sujet doivent connaître, je pense. C'était le druide taré qui nous a des jolis poèmes en SMS des fois. Des poèmes en SMS? C'est original. Alors, il avait fait un poème qui était magnifique, qui commençait par « Vie, tu es pourri ». Voilà. Un très joli poème de Zion, donc, que j'essaierai de retrouver. Il fait des études apparemment d'animation, et il a fait une vidéo qui s'appelle Captain Not My Fault, et qui dure 3 ou 4 minutes et qui est assez drôle. Parce qu'il faut savoir que Zion, avec toutes ses bêtises, avait été banni des forums bizarres en fait. Il reste très très populaire malgré tout, la légende survit. Il a eu des lésions C'était nulle part. Ah bah oui, ouf. Il ouais, fallait suivre là. Oui, il a fait une petite animation, et donc on mettra le lien. Captain Not My Fault. Je tiens à préciser que apparemment Zion avait beaucoup de contraintes parce que c'était quand même dans le cadre de ses études, donc il pouvait pas être aussi fou que sur le forum hors sujet. Donc certains seront peut-être déçus de pas retrouver toute la folie de Zion, mais c'est quand même largement barré. Voilà, Zion, pense à toi. Bah, n'hésite pas à passer sur le... Si tu entends ce podcast, si tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à venir nous saluer sur le forum, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis on a un forum hors sujet aussi sur notre forum. Et tout de suite, on passe au jeu vidéo. Vous êtes prêts? Alors pour ce mois-ci, moi j'aimerais reparler d'un vieux jeu qui s'appelle Monkey Island. On en a parlé tout à l'heure avec Selkis dans son interview. Alors Monkey Island, c'était une série de 4 jeux de LucasArts, qui est la branche jeux vidéo de la boîte de George Lucas. George Lucas qui bien sûr est très connu pour une série de films qui a inspiré des générations entières. Je vous apprends rien, c'est American Graffiti. Et donc, moi, je suis surtout m'intéressé au premier Monkey Island, le secret de Monkey Island, qui était sorti donc en 1990. L'histoire se passait au 16e siècle dans les Caraïbes, si je dis pas de bêtises. On incarne un personnage qui s'appelle Guybrush, qui est un jeune homme un petit peu naïf et qui veut devenir un pirate. Et c'était inspiré de l'attraction Pirates des Caraïbes, parce qu'avant d'être un film avec Johnny Depp, Jack Sparrow, et une superbe musique que nos confrères doivent bien connaître, c'était une attraction de Disney World où on traverse un village attaqué par les pirates, donc un village des Caraïbes attaqué par les pirates, et on voit les pirates qui se marrent en torturant les gens, et voilà. Donc ça s'inspirait de ce monde des pirates tel qu'on le fantasme, avec les bars, les soudards, la chaleur des Caraïbes, la mer magnifique, le vaudou, les plages de sable fin, l'aventure, l'aventure. Mais ce qui faisait le succès du jeu, c'est que ça ressemblait vraiment à un dessin animé dans lequel on pouvait évoluer, en quelque sorte, avec des personnages très cartoonesques, avec des énigmes toujours très amusantes. Tout le jeu était très drôle à faire, c'était de l'absurde, ça lorgnait un petit peu du côté des blagues des Monty Python. C'était un jeu d'aventure, ce qu'on appelle les point and click, comment on pourrait dire, cibler et cliquer, en quelque sorte. C'était ce fameux système de on prend sa souris, on passe sur le décor et on peut interagir avec des choses, des éléments du décor. On peut prendre des choses, les observer, les toucher, les tirer, les pousser. C'était un des premiers jeux PC du style. Il y en a eu avant, mais c'était un des premiers qui a eu autant de succès. Alors, pour situer un petit peu le jeu, à l'époque, on était quand même dans les Super Mario, ce genre de jeu débile où tu casses des briques avec ta tête et tu manges des champignons pour tuer des monstres. Donc là, on a Super un jeu. Super Mario débile, ouais, ça ouais. Va pas, non mm-hmm. Ah ouais, non, mais non, non, je suis désolé, non. Bro, okay, je peux là, pas on te pas d'accord dire ça. Là. Ah ouais. Et là, on nous propose un jeu où il faut réfléchir un peu. Là aussi, il faut en quelque sorte sauver la princesse, mais le parcours est plus intéressant que. Un peu moins cucu, on va dire. Voilà, des énigmes avec des poulets poulies, des choses comme ça. Une histoire, toute l'ambiance de la piraterie. Les dialogues sont très très bien faits aussi, complètement décalés. Ça fait longtemps que je l'ai pas refait, donc j'en parle vraiment de mémoire. Il faut quand même pas s'attendre à justement Left 4 Dead ou GTA 4 en termes de graphisme, mais c'est toujours très amusant. Je pense que c'est un jeu qui reste faisable malgré tout, qu'on peut découvrir ou redécouvrir maintenant. Après, c'est vrai qu'il faut se mettre dans l'ambiance graphisme de l'époque et tout ça. Puis surtout, en fait, maintenant, les jeux d'aventure, il y en a très très peu. Il y en a quelques-uns qui sont revenus récemment à l'attaque, parce qu'il y a une grosse demande. Bah, Tomb Raider ? Non. Non, Ludo. Tomb Raider, c'est un jeu d'aventure, Tomb Raider, quand même. Bah, Tomb Raider, c'est un héritier de Super Mario, c'est absolument pas un héritier de Monkey Island. Push the left analog stick in the direction you want to go. les héritiers, donc c'est plutôt Runaway qui est sorti récemment, Grim Fandango il y a 10 ans déjà. Et surtout les chevaliers de Baphomet. Exactement, oui, c'est ça, voilà. Alors, j'ai continué dans ma lancée du mois dernier sur le jeu Valve. Je vais vous parler ce mois-ci de Left 4 Dead. Alors, donc, pour expliquer un peu le principe du jeu, le contexte du jeu, on va être 4 survivants avec toutes leurs armes et on va devoir se frayer un chemin à travers une horde de zombies. Donc c'est pas forcément des zombies décérébrés. Il y a plusieurs types de zombies. Par exemple, t'as le Hunter, il te saute dessus, il te lacère avec ses griffes. Le Boomer, par exemple, tu lui tires dessus, il explose et il t'asperge d'un liquide en fait qui va attirer les autres zombies sur toi. T'as des zombies par exemple à la manière des Half-Life où il y avait par exemple les espèces de monstres qui te prenaient avec leur langue. Du plafond, bah là t'as un peu le même style, ils essaient de te choper pour te dévorer après. C'est un jeu stratégique et coopératif. Tu soignes tes coéquipiers, faut les couvrir pour éviter de se faire tuer. Parce que si tu t'en perds un, t'as quasiment aucune chance de terminer le niveau. On est quand même assez libre, mais la trame d'un niveau est assez linéaire. Que ça soit la ferme abandonnée, l'hôpital désaffecté, des appartements vides, c'est tout ce qui est les grands classiques des films de zombies. Ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir des statistiques en fin de niveau, c'est-à-dire qui en a tué le plus, qui a fait le plus de tirs en pleine tête, de headshots, qui a été le plus soigné. C'est sympa, ça promet une bonne soirée entre potes. Ce jeu est sur PC, sur Xbox 360 et il est interdit aux moins de 18 ans. Voilà. Donc moi en fait, je vais plutôt vous parler d'un jeu aux antipodes de ce qu'on fait habituellement. Donc Léa, passion vétérinaire. Si vous aimez les animaux, si vous aimez les petits chatons, les petits chiens, que vous aimez bien les soigner, eh bien franchement n'achetez surtout pas ce jeu parce que ça va vous en dégoûter. Voilà. Donc là en fait, par exemple on peut mettre des appareils dentaires aux chats, on peut opérer les chiens et tout ça. Et en fait, c'est tellement nul que on va éviter de perdre du temps à en parler. Tu veux nous parler vraiment de ce jeu-là? Non, c'était pas rigolé. En fait, je pensais parler de Lost Treasure, moi. Ben, c'est vrai, en même temps, tout à l'heure, toi, Brock, tu parlais de Lost Treasure. C'est vraiment le site, si on est fan des jeux de l'époque, comme Flashback ou Another World. Tous ces jeux-là, en fait, qui sont maintenant abandonnés, en fait, on peut les retrouver sur le site Lost Treasure. Par exemple, j'ai retrouvé Blade Runner aussi. C'était un jeu, comme on disait tout à l'heure, point and click. Si vous êtes vraiment nostalgique et que vous aimez vous replonger dans votre enfance ou dans votre jeunesse, pour les plus âgés d'entre nous, je peux que vous recommander de faire un petit tour sur ce site. C'est comme redécouvrir un vieux coffret à jouets et puis ressortir un à un en se disant « Oh mon Dieu !» Bon, Brock, tout à l'heure, il dit que peut-être le plus dur, ça va être pour les graphismes. Moi, je dirais que le plus dur, ça va être de le faire fonctionner sur Vista ou XP. Mais bon, il y a toujours des aides un peu techniques pour expliquer comment s'y prendre. Oui, il y a une très bonne communauté. Dès qu'il y a un problème, un bug, ils essayent d'aider les gens. Bon, on mettra l'adresse du site dans les notes du podcast. Avant qu'on se quitte, moi, j'aurais aimé qu'on lance un petit concours. J'ai remarqué que dans World of Warcraft, on avait eu une invasion de Sephiroth. On avait beaucoup de Legolas, on était habitué à ça. Mais là, curieusement, les Chevaliers de la Mort ont inspiré pas mal de fans de Final Fantasy VII. Le pire, je crois que les trois quarts, ça ne même pas d'où ça vient, Sephiroth. Ah si, je pense que si, quand même. Enfin bon, ouais, peu importe. Même. Le fait est que c'est un fléau contre lequel Wotaku a décidé de lutter. Et donc, je propose le concours Sephiroth. Alors, qu'est-ce que le concours Sephiroth? Le principe est simple, vous croisez un Sephiroth dans World of Warcraft, vous le tuez, et vous prenez une photo de vous au-dessus du cadavre, et vous postez ensuite tout ça sur le forum de Wotaku, et nous on comptera les points. Longue vie au tueur de Sephiroth. Voilà. Ouais, par contre c'est pas comme Highlander, hein. C'est pas il doit rester qu'un, il doit plus en rester du tout. Franchement, ouais. Le Sephiroth c'est bon. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? On est arrivé à la fin de l'émission là. Ouais, je crois bien, ouais. Moi je voulais juste en profiter pour remercier Calbut et Fortuna qui m'ont prêté leur voix pour la chronique roleplay de cette émission. Selkis pour son interview. Bon bah on espère que cet épisode vous a plu. On attend vos commentaires avec grande impatience. Bon, oui. Moi je veux juste remercier ma maman parce que c'est elle qui m'a encouragé. Elle m'a bien fait rire quand elle m'a dit c'est toi qu'on entend parler là sur les addons. On va faire aussi un petit bisou à Arik qui n'a malheureusement pas pu participer à cette deuxième émission. Arik, gros bisous, c'est pour toi. Merci à tous et on espère vous voir le mois prochain. A bientôt les gars. Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been to Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Bonjour et bienvenue sur dans ce second épisode. Du coup, je sais plus quoi répondre. Ah, Lee Van Cleef, l'acteur que l'on peut voir dans. Le bon, la bête et le truand. Le bon, la brute. Ah oui, putain, le bon, le la brute et le truand. Hein. Voilà. Sous la direction d'Edwin Van Cleef, la guilde des maçons est devenue la plus expérimentée des confréries des bâtisseurs. Je suis clair ou pas? Non. Pas du tout, j'ai rien écouté. Parce que je suis désolé. Putain. mais t'as 12 ans ou quoi? Il a également d'autres capacités qui permet de... Merde. Okay. On y va. Et puis, je propose qu'on enregistre les... Pourquoi il se marre comme un invité Kali? C'est quoi ton problème? Bon, ok. Pardon pour mon intrusion. Mais je vous en prie, continuez. Oh, putain, c'est fort. Ça te fait rire, Kali. La JP qui va te comprendre. Ouais, je vous emmerde. Hein. Et puis je vais éternuer aussi. Ouf. Les Parisiens, ça fait délirer quand ils prononcent le on. Il est où le ballon? Ça va, ça va. J'ai la pêche. Ça s'entend. Donc on dit grand tift, grand teft. Ouais, on dit GTA en fait, c'est mieux. Et on entend que tu tiens ta respiration, tu t'étouffes un petit peu. Il y a même un moment où on a eu un petit peu l'impression que tu réprimais un rot. Non mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi pas un prout au jus aussi? Si le micro-ondes est mal isolé, tu peux avoir des coupures wifi. Et ça c'est véridique. Non mais c'est, ça c'est véridique en plus. Hein. Parce que c'est des micro-ondes et donc ça empiète sur le signal wifi. Et si ton micro-ondes est mal isolé, ben d'une part t'as chopé le cancer, d'autre part t'as des connexions internet. Donc si t'as des connexions internet quand tu as quand tu mets en marche le micro-ondes, pose-toi des questions, je pense que tu vas pas tarder d'avoir le cancer. Ouais. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. But I've been to Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe.